Ouais, chaîne de vie. J'ai des larmes plein mon stylo bic. Des fois ça bave quand j'écris sur cette chaîne de vie. Tout me tombe dessus. Aïe putain, commencé par le pied du micro. Toute une vie déjà que je suis gâché. Depuis que je suis né ce 29 février, tu sais ce que c'est, toi m'acquire une année bitextile. Biplexile, je sais plus moi bitextile. On me fête mon anniv qu'une fois tous les 4 ans. À force j'ai l'impression d'avoir 8, pas 32 ans. Peu à peu on oublie mon anniversaire. Mon dernier cadeau c'était un tricycle vert. C'était il y a 15 printemps, en plus il avait deux roues. Je me suis écorché les dents, cassé les genoux. Depuis la poisse m'a jamais quitté. La seule fois putain je passe à la télé. J'avais séché les cours pour Roland Garros. Repéré, renvoyé sans avenir, obligé de vendre du matos. Depuis je travaille dans la mafia pour Pierre Pacci. Un chien de vie, chien de vie. Pourquoi la vie est une chienne et moi son réverbère? Pourquoi avant de sortir elle a bu 100 litres de bière? Pourquoi je renverse toujours de la confiture sur mes affaires? Pourquoi j'ai jamais surprise dans mes Kinder? Pourquoi la vie est une chienne qui a chopé la rage? Pourquoi je suis toujours tout seul, tout nu sur la plage? Pourquoi dans mes livres à moi y'a pas d'image? Pourquoi je suis allergique à tous les lettres? Maman, toi qui me regarde depuis là-haut, depuis le balcon du premier étage. Pourquoi on habite une maison qu'à un seul étage? Pourquoi je suis obligé d'hurler dans la rue pour te parler? Pourquoi j'ai encore oublié mes clés? Maman, pourquoi je suis si différent? Maman, pourquoi au-dessus de moi y'a toujours un nuage? Pourquoi y'a des fautes d'orthographe sur mes tatouages? Pourquoi y'a jamais de papier quand je vais au cabinet? Pourquoi quand j'en sors c'est une pure meuf qui veut rentrer? Pourquoi j'ai un caillou au fond de ma chaussure? Pourquoi je peux pas défaire les lacets, le nœud est trop dur? Pourquoi quand j'étais c'est comme ça. La vie, Mino, elle te prend, elle te nique. Bilan psychologique, pathétique. Ambiance d'acédique, famélique. Situation critique, post-tragique. Dictionnaire des rimes, page 27, rime en hic. Dictionnaire des rimes, page 47, rime en être. C'est la défaite, stupéfaite, une vie imparfaite, insatisfaite. On te rejette de la planète, tel un Jésus de Nazareth, pas très net. Alors ta tête avant qu'elle pète, Mino, appuie sur la gâchette. Mais non, pas pour te tirer une balle, Mino. La gâchette de la porte. C'est parce que je suis coincé dehors depuis le début du morceau. Je t'ai dit que j'avais oublié mes clés. Oh Mino, Mino, qu'est-ce que t'as fait Mino? Ma chienne de vie, chienne. Pourquoi de la vie, vie est une chienne et moi son réverbère? Pourquoi avant de sortir elle a bu 100 litres de bière? Oh, pourquoi je renverse toujours de la confiture sur mes affaires? Pourquoi j'ai jamais surprise dans mes Kinder? Pourquoi la vie est une chienne qui a chopé la rage? Pourquoi je suis toujours tout seul tout nu sur la plage? Pourquoi dans mes livres à moi y'a pas d'image? Pourquoi je suis allergique à tout? Pas juste.